L'association d'amitié Nigeria-Corée vient d'organiser un rendez-vous pour faire part du mémorandum du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée. Notre renforcement des forces nucléaires est un choix juste autodéfensif face aux extrêmes mesures de suppression des États-Unis contre la Corée. Par ailleurs, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'action 2017, le comité suisse-Corée et le cercle suisse d'études des idées du jeté ont publié une déclaration commune en signe de soutien au mémorandum du ministère coréen des Affaires étrangères.